Me voici de nouveau devant cet hall d'immeuble, le même depuis 10 ans. Je me souviens que le premier jour, il me paraissait immense, avec de longs couloirs de miroirs, ingénieux. Mais là, aujourd'hui, il ne m'inspirait rien de bien joyeux. Il est gris, maussade, déprimant. Je pousse un soupir et, de manière mécanique, mon badge devant la porte. Elle s'ouvre et là, sans avoir besoin de réfléchir, mon corps bouge seul. Je m'avance jusqu'à l'ascenseur pour monter à mon bureau. Au passage, je dis bonjour à Annie. Elle ne change pas. Toujours une queue de cheval et un tailleur. L'ascenseur sonne, d'un bip que je n'entends même plus à force de le prendre. Je sais exactement quand il sera là. Je monte en écoutant cet interminable jingle diffusé dans l'ascenseur. Une fois assise à mon bureau, je repense au trajet que j'ai fait. Et je me dis que je ne ressemble plus vraiment à un humain, mais à un robot, programmé pour répéter inlassablement les mêmes gestes. Sur le coup, je me sentis un peu déprimée. Mais à quoi bon ? Ça ne changera pas ma condition. Je me remis à tapoter sur mon clavier pour reprendre le cours de cette journée banale.